بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. خلق الإنسان من علق. Qui a créé l'homme d'un grumeau de sang. اقرأ وربك الأكرم. Lis car ton Seigneur est le plus noble. الذي علم بالقلم. Qui enseigna par le calam. علم الإنسان ما لم يعلم. Qui enseigna à l'homme ce qu'il ne savait pas. Mais non, l'homme devient certes rebelle. Dès qu'il se voit gagner en richesse. Vers ton Seigneur sera le retour. أرأيت الذي ينهى. N'as-tu pas vu celui qui défend. عبدا إذا صلى. À un serviteur d'Allah de faire la prière. أرأيت إن كان على الهدى. Que penserais-tu si ce dernier était auparavant sur la bonne voie. أو أمر بالتقوى. Et appelait à la piété. Et que penserais-tu si le premier traitait de mensonge le message et s'en détournait? Ne sait-il pas qu'Allah voit tout? كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Certes non. S'il ne cesse pas, nous le prendrons par le toupet. ناصية كاذبة خاطئة. Un toupet menteur est coupable. فليدع ناديه. Qu'il appelle donc son clan à son secours. سندع الزبانية. Nous ferons appel au gardien de l'enfer. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Non, ne lui obéis pas. Prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah.